La vie tourne en boucle comme les saisons. Chaque étape se démarque des autres. Ai-je raison? Du printemps à l'hiver, plusieurs visages se dessinent. Ainsi va le cycle, de la racine à la cime. La vie tourne en boucle comme les saisons. Chaque étape se démarque des autres. Ai-je raison? Du printemps à l'hiver, plusieurs visages se dessinent. Ainsi va le cycle, de la racine à la cime. Le printemps voit naître de nouvelles pousses en pagaille. Encore fébrile, la nature bégaye. Avril marque de son sceau le début du cycle. Éternel retour se perpétuant de siècle en siècle. À peine bourgeonnant, il faut croître vers le soleil. Apprendre à parler, rire de tout, on s'émerveille. À l'abri bien au chaud, au fond de sa coquille. L'arrivée du nouveau, protégé de la famille. Le pouce sur ses jambes, les yeux ouverts sur le monde. À l'ombre d'une salle de cour, on rêve d'une vie féconde. Prendre son envol, bercé de liberté. Tracer son sentier quand vient l'heure de l'été. Quand le ciel vire au bleu, c'est que l'été nous appelle. Éplucher les feuilles de la vie, on trouvait le manuel. Mûr comme un fruit, tu parles. On cherche elle, au plus belle, pétale. Une pelle dans la main, dans l'eau des graines à semer. Espérant les voir germer comme on l'avait fantasmé. Creuser son terrier, malgré la sécheresse. Malgré les pesticides et les périodes de chasse. Le temps passe, la saison file. Défile les secondes quand les jours se raccourcissent. Quand l'atmosphère s'habille de monotone. Rester à son zénith à l'orée de l'automne. La vie tourne en boucle comme les saisons. Chaque étape se démarque des autres. Ai-je raison? Du printemps à l'hiver, plusieurs visages se dessinent. Ainsi va le cycle, de la racine à la cime. La vie tourne en boucle comme les saisons. Chaque étape se démarque des autres. Ai-je raison? Du printemps à l'hiver, plusieurs visages se dessinent. Ainsi va le cycle, de la racine à la cime. C'est l'automne, les cheveux tombent comme des feuilles. La flamme brûle encore et la vie résiste par orgueil. Les souvenirs s'amassent par morceaux comme des puzzles. Au milieu de son entourage, dans le fond on est peu seul. Un goût de sel sur les lèvres, c'est le gel qui se lève. De nos péchés on se lave pendant que la faucheuse salive. On s'aligne tous sur le même fuseau horaire. Un mystère, de la deadline à l'ovaire. Refaire son parcours à l'envers en attendant l'hiver. L'air de rien, revenir au strict nécessaire. Condamné depuis l'enfance à l'absence. Avec ce front intense pour clore l'existence. Des froids autour de moi, mon visage est gelé. J'ai les paupières qui se ferment, mon destin est scellé. C'est le désert désormais qui habite mon être. Je laisse ma place à un autre, le cycle se répète. Tout est froid autour de moi, la nature est dénudée. Dépourvue de sa parure, son destin est scellé. C'est le désert désormais qui habite ces êtres. Le temps semble en veille, le cycle peut renaître. La vie tourne en boucle comme les saisons. Chaque étape se démarque des autres. Ai-je raison? Du printemps à l'hiver, plusieurs visages se dessinent. Ainsi va le cycle, de la racine à la cime. La vie tourne en boucle comme les saisons. Chaque étape se démarque des autres. Ai-je raison? Du printemps à l'hiver, plusieurs visages se dessinent. Ainsi va le cycle, de la racine à la cime.